Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir à ceux qui m'écoutent le vendredi soir, bonjour à ceux qui m'écoutent le samedi matin et à nouveau bonsoir à ceux qui m'écoutent le samedi soir pour la dernière rediffusion. Pour l'émission de ce soir, on est vendredi, alors qui dit vendredi dit billet de sortie. Comme d'habitude, florilège d'annonces d'événements à venir et de musique que j'ai choisi avec grand soin pour vous. J'espère que cette sélection vous plaira. Je vais d'ailleurs pas vous retenir beaucoup plus longtemps. On va s'écouter le premier morceau qui s'intitule « Ici et maintenant » de Eric Arma et on se retrouve juste après. Prendra l'ascendant, même si la lutte doit durer 100 ans. C'est un... l'instant le morceau Ici et Maintenant d'Eric Arma. Et avant que le billet de sortie ne débute, j'encourage toute personne qui a un événement à nous transmettre à nous envoyer un mail à contact@radiogaymozo.eu avec comme objet du mail billet de sortie, et on se fera une joie de transmettre l'événement et de le faire figurer dans l'émission que vous écoutez en ce moment. Voilà, voilà, donc le billet de sortie peut débuter avec, comme d'habitude, la rubrique « Autre ». À commencer par le don du sang, le prochain prélèvement de sang organisé par le FS, établissement français du sang, a lieu le mardi 13 novembre de 16h à 19h30 au centre socio-culturel de Saint-Nabor. Donc je répète, mardi 13 novembre de 16h à 19h30 au centre socio-culturel de Saint-Nabor. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine pour savoir quels seront les autres points de collecte de sang. On va parler loto maintenant, vu que c'est la saison. Le samedi 10 novembre, il y a un loto organisé par l'association Protect Réa à 20h à la médiathèque du Thion. Il y a à gagner des bons d'achat, de l'électroménager, un téléviseur, un voyage et bon nombre de lots. Les bénéfices de ce loto iront à l'association qui agit en faveur de la protection animale et qui lutte contre l'abandon. Donc je répète, samedi 10 novembre à 20h à la médiathèque du Thio. Et pour les réservations, ça se passe au 06 95 25 86 53. Où je pense aussi que la page Facebook Protect Réa se fera un plaisir de répondre à vos questions. Le refuge animalier de la Seconde Chance organise son premier loto à Rue-sur-Moselle le samedi 10 novembre à 20h aussi à la salle des 1000 clubs. Les portes ouvrent dès 18h30. Le carton coûte 4€, les 6 cartons 20€ et pour toute réservation il y a un carton gratuit par tranche de 6 cartons achetés. Il y a bon nombre de lots à gagner, entre autres un voyage d'une valeur de 600€, une nuit pour deux en hôtel spa 3 étoiles d'une valeur de 300€, un bon d'achat pour lunettes solaires de 250€, deux week-ends de 3 jours en voiture électrique d'une valeur de 200€, un bon de réduction de 250€ sur inscription du permis de conduire, un massage bien-être d'une heure et demie et des produits cosmétiques d'une valeur de 150€, un week-end au Ballon d'Alsace en pension complète d'une valeur de 130€, pardon. Un matelas de personnes qui fait à peu près 100€ et plusieurs entrées en parc nature et attractions avec de nombreux autres lots de plein d'autres valeurs. Les renseignements et les réservations se font au 06 22 49 55 80, donc 06 22 49 55 80 ou au 06 82 91 92 10. Je répète, 06 82 91 92 10. Voilà, ça c'est pour le premier loto du refuge animalier de la Seconde Chance à Rue-sur-Moselle. Et on va se quitter quelques instants pour un petit spot de nos studios et on se retrouve juste après. Savez-vous que Radio Guimauzo est une radio associative, non commerciale, libre et indépendante? Alors pour soutenir notre radio, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. En haut à droite, un petit bouton bleu, faites un don via la plateforme de LOASO. Don déductible des impôts, donnez ce que vous voulez à partir de 2€. Toute l'équipe de Radio Guimauzo vous dit merci. Merci! Merci! Merci! Merci à tous! Merci! Merci! Merci. Salon de l'Habitat à Remiremont, c'est en ce moment un rendez-vous à Remiremont dans les Vosges pour le 5e Salon de l'Habitat du 9 au 11 novembre 2018. Vous avez des projets d'isolation, de construction ou tout autre domaine qui concerne la maison? Ce salon est fait pour vous. Il y a plus de 50 exposants sur ce salon. Et sur ces 50 entreprises et artisans, ils sont tous 100% vosgiens et vous pouvez d'ailleurs tous les rencontrer. Tous sont reconnus pour leur savoir-faire, ils vous apporteront des conseils, des fondations aux finitions de votre habitat. C'est un moment privilégié pour rencontrer des professionnels à proximité de chez vous. Un espace Info Énergie sera là pour toute question liée aux économies d'énergie. Donc ça se trouve au Palais des Congrès de Remiremont. Et pour le vendredi, c'est peut-être un petit peu tard, mais il reste le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018. Et les horaires sont de 10h à 19h pour le Salon de l'Habitat au Palais des Congrès de Remiremont. Les membres de l'association Xertini en transition vous invitent au prochain Repair Café le samedi 10 novembre de 13h30 à 19h à la salle des fêtes de Xertini. Ne jetons plus, réparons. Tel est le slogan de cette action gratuite qui permet de lutter contre l'obsolescence programmée et la production de déchets. Vous êtes détenteur d'objets abîmés ou en panne ? Apportez-les au Repair Café où un dépanneur vous aidera à leur donner une nouvelle vie. Pour plus d'informations, je vous suggère d'aller voir leur page Facebook, Xertini en transition. Et on va déjà s'écouter un deuxième morceau de musique. Il s'agit de Carmen Maria Vega et son morceau Santa Maria. Départ du navire, dans le creux de ma tête, je suis la fille des vents, je suis la fille des tempêtes. J'entame le voyage, j'espère éviter le naufrage, j'écrirai mon odyssée à l'encre de ma rage. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa. Tempête à l'horizon, je vois des ombres imprécises. Au cœur de l'enfance, je vois des courbes indécises. Je vois des ombres noires derrière mes nuits d'insouciance. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de braver ce silence. Tempête à l'horizon, je vois des corps arborescents et des phrases sans passion qui font ma tempête à 30 ans. Je tremble de toute mon âme et je ne serai pas cette femme qui lâchera ses rêves à la première rafale. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela. Ce soir c'est la mi-août, je crois que j'approche du but. À chacun sa parade, pour chacune de ses chutes. Si les marins m'ont déserté, c'est que l'histoire est dessinée. Et que mon Amérique à moi, moi seul je pourrais la trouver. et mon voyage est terminé. Je trouverai ma liberté et bientôt j'arriverai, je trouverai. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela, tout cela. C'était Carmen Maria Vega pour son morceau Santa Maria. Vous êtes de retour dans le billet de sortie et on va continuer avec la rubrique culture. À commencer par la peinture, toujours l'exposition Peindre la nuit au centre Pompidou de Metz qui a lieu du 13 octobre 2018 jusqu'au 15 avril 2019, donc il y a le temps. À découvrir au centre Pompidou Metz, une source d'inspiration majeure de l'histoire de l'art. La nuit continue de fasciner les artistes au XXe et XXIe siècle. Francis Bacon, Louise Bourgeois, Max Ernst, Claude Monet, Pablo Picasso ou Gerhard Richter. Plus qu'un thème, la nuit est un environnement propice à l'imagination des peintres et au vertige. Les horaires d'ouverture, c'est du mercredi au lundi de 10h à 18h et sinon le week-end, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h pour l'exposition Peindre la nuit au centre Pompidou Metz. On se dirige vers Neuchâtel cette fois pour le festival Un Siphon, marionnettes et théâtre d'objets qui a lieu du 7 au 30 novembre. Et en ce moment, pas de temps fort spécifique, mis à part l'exposition Marie-Laure des Boîtes, donc exposition du 7 au 29 novembre 2018. Marie-Laure vous invite à découvrir la richesse et la diversité des arts de la marionnette en Lorraine. 12 compagnies ont transposé leur univers dans un espace restreint, celui d'une boîte qui devient alors, l'expression d'une sensibilité et d'une esthétique unique. Cette exposition est un panorama ludique et surprenant, ouvert sur le foisonnement de la marionnette telle qu'elle se pratique aujourd'hui en Lorraine. Figurines, objets, ombres, bricolage animé, marionnettes. Donc, pour en savoir plus, ça se trouve au Trait d'Union Espace Culturel François Mitterrand à Neuchâtel, excusez-moi, et c'est organisé par la compagnie Elitrope Théâtre de la Communauté des communes de l'Ouest Vosgien, qui organise son 4e festival Un Siphon, marionnettes et théâtre d'objets. D'ailleurs, pour information, le vernissage de l'exposition sera le vendredi 16 novembre à 18h30. D'ailleurs, ce sera même l'ouverture officielle du festival. L'exposition est à visiter du mardi au samedi de 14h à 19h et l'entrée pour cette exposition est libre. À propos, 16 novembre, un spectacle de danse contemporaine se déroulera au Centre culturel Gilbert Zaugue de Remiremont le vendredi 16 novembre à 20h30. Ce spectacle gratuit est proposé dans le cadre des rencontres avec le Portugal par le conseil départemental de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales. Donc, comme je le disais, un spectacle de danse contemporaine gratuit au Centre culturel Gilbert Zaugue, vendredi 16 novembre, donc vendredi prochain, à 20h30. Je vous le répéterai la semaine prochaine. Du 3 3 au 18 novembre, la région Grand Est organise pour la première fois la quinzaine des librairies indépendantes. À cette occasion, venez rencontrer et discuter avec des auteurs, demander des dédicaces, participer à de nombreuses animations et découvrir de nouveaux livres. Du 3 au 18 novembre, poussez la porte des 40 librairies indépendantes qui participent à cette opération. Une organisation de la région Grand Est qui se livre et s'illustre. Plus d'infos sur www.grandest.fr. Le cinéma Le France à Remiremont organise, propose même dans le cycle commémoration du centenaire de l'armistice, en partenariat avec l'association Cinémarcade, plusieurs projections de films. À commencer par le dimanche 11 novembre à 18h, Au revoir là-haut de Albert Dupontel, puis mercredi 14 novembre à 16h, Charlot Soldat avec et même de Charlie Chaplin en ciné-goûter, donc goûter offert par Cinéma Arcade. Puis dimanche 18 novembre à 18h, Cessez le feu de Emmanuel Courcol, pardon. Et enfin, jeudi 22 novembre à 20h, ciné-concert La Grande Parade de King Vidor avec Marc-Gaël Mével, violoncelliste et compositeur. Décidément, il est temps que je sois en week-end aussi. Et pour les prix d'entrée pour les différentes diffusions des films, donc le tarif est normal. Pardon, est de 5 euros. Le tarif adhérent cinéma arcade est de 4 euros, sauf pour Charlot Soldat, c'est un tarif unique de 3 euros pour tous. L'association républicaine des anciens combattants 88 et le comité des Vosges du mouvement de la paix vous invitent à la projection du film La bombe et nous le vendredi 9 novembre 2018 à 20h30 à la Maison de la culture et des loisirs de Gérardmer. Ce film sera suivi d'un débat sur la campagne internationale d'interdiction des armes nucléaires, notamment sur le TIAN, T-I-A-N, traité d'interdiction des armes nucléaires. Ils seront très heureux d'avoir la joie de vous compter parmi vous et de partager en fin de soirée le verre de l'amitié. Et on va clore la rubrique avec une exposition à la Maison de la Bresse et cette part d'oiseau qui est en nous de Claude Semlet. Hein. C'est une histoire de poule faisane, un chassé croisé d'envol déplumé sur fond de vaisselle cassée et de verre ébréché où flottent les ombres des funambules qui tintinabulent et pourtant, elles planent. Cette exposition à la Maison de la Bresse pour cette petite part d'oiseau qui est en nous de Claude Semlet, avec en parallèle l'exposition des statues en papier mâché et toiles en collage d'Elisabeth Dumoulin, touche à sa fin le dimanche 11 novembre. Donc c'est l'occasion ou jamais d'aller voir ces deux expositions. Les horaires de la Maison de la Bresse sont samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h et du lundi au vendredi de 15h à 18h. Et bien entendu, pour ces expositions, l'entrée est tout à fait libre. On va changer de rubrique, on va passer déjà à la rubrique musique, mais avant, on va s'écouter un morceau découvert très récemment. Il s'agit du morceau Cocoon Crush du groupe Object. Thank you. Et c'était Cocoon Crush du groupe Object. Vous êtes toujours sur Radio Gemozo pour le billet de sortie. Et on va continuer avec la rubrique musique. À commencer par le complexe L'Artiste qui ne pouvait malheureusement pas répondre à vos attentes pour ce week-end. Mais je vous ai quand même trouvé l'événement le plus important dont on avait parlé la semaine dernière. Il s'agit du karaoké années 80 au complexe L'Artiste. C'est le samedi 10 novembre de 21h à 2h. Donc un karaoké, comme je disais, thème dans les années 80, sélection de titres spécifiques pour la soirée et vêtements et accessoires dans le thème sont plus qu'autorisés. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous au complexe L'Artiste à Golbey pour ce karaoké spécial années 80. Et on se dirige cette fois vers la Souris Verte qui a aussi des concerts à proposer, à commencer par samedi 10 novembre à 20h30 en dehors de ses murs, le groupe The Apostasy et Oliphant qui sont en concert. Donc si vous aimez Pantera, Red Funk, ce concert est pour vous, c'est sur le plateau de la scène locale numéro 3. The Apostasy, c'est un duo français d'agressive metal ambient composé de Chris Hoff et Julien. The Apostasy est un hybride créant une musique puissante alliant ambiance orchestrale, chants hurlés et passages atmosphériques influencés par le heavy, le thrash et le progressif. Les structures sont riches, précises et incisives. Après une année de pause, le duo revient sur scène et prépare son deuxième EP, à découvrir en live absolument. Et Oliphant s'est créé en début 2015. Oliphant puise dans les différentes influences de ses membres, Pantera, Down, Lamb of God, Mastodon, Red Fang, etc. pour proposer un métal sans concession. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, c'est en dehors des murs, donc sur le plateau de la scène locale numéro 3, The Apostasy, Oliphant en concert et l'entrée est gratuite. Toujours avec la programmation de la Souris Verte, si vous aimez Kerry James, Medine ou Youssoupha, le concert du jeudi 15 novembre à 20h30 est fait pour vous. C'est un concert de rap conscient, hein, l'artiste d'Avodka est l'un de ceux qui dénoncent. Il va encore plus loin avec ce troisième opus. Usant habituellement des thèmes des inégalités sociales et de l'addiction, d'Avodka s'attaque cette fois à la politique, à la jeunesse mais aussi à lui-même. Son parcours, ses vices, sa place dans le milieu du rap, il dépeint sa réalité avec une vérité accablante. D'autre part, l'album Accusé de réflexion marque pour lui un tournant dans son style musical. Habitué à des rythmes boom-bap et des prods à l'ancienne, il mise cette fois sur un nouveau pari et tente de diversifier la musique autant que les thèmes. La patte du studio Planète sur les mix et mastering apporte un vent frais sur le travail de Davodka qui délaisse son aspect très underground au profit d'une écoute plus taillée et spatiale de ses titres. Donc si ça vous intéresse, cette fois c'est à la Souris Verte même et les tarifs pour ce concert c'est de 10€ pour le plein tarif, premier tarif réduit 7€ et deuxième tarif réduit 4€. L'orchestre de l'Harmonie de Remiremont sera en concert au centre Gilles Berzoc le samedi 10 novembre à 20h30 dans le cadre des cérémonies du 11 novembre. La première partie, ce sera un ensemble de saxophones de Remiremont. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, l'orchestre d'Harmonie au centre culturel Gilles Berzoc le samedi 10 novembre à 20h30. Café Jazz, vendredi 16 novembre 2018 à 20h30 au Lavoir Théâtre, il y aura Chaloupé, Musetto Créole, qui invite René Lacaille. Donc le groupe Chaloupé est composé de Philippe Mallard à l'accordéon, Thérèse Henry à la basse, Fabrice Thompson aux percussions, Jean-Baptiste Laya à la guitare et René Lacaille, qui sera un invité cette fois, à l'accordéon. Avec la fraîcheur des musiciens du quartet qui mêlent la valse swing et le jazz au maloya, à la salsa ou encore à la samba, pagode et au tango. Leur projet sur le thème de la valse métissée, comme une tradition imaginaire, musetto créole, ne manquera pas de vous donner l'envie d'en inventer les danses. Suite à la sortie de cet album, René Lacaille, ambassadeur de la musique réunionnaise, entre en contact avec le groupe et naît alors ce nouveau spectacle, Chaloupé invite René Lacaille, dans lequel la valse, swing, le jazz, la maloya s'entremêlent à merveille avec de nouvelles compositions et des chansons de René Lacaille. Métissage, mélodie, improvisation, rythme et chaleur humaine sont au rendez-vous. Une rencontre détonnante, étonnante, à découvrir. Tarif plein 10 euros, non 15 euros pardon, et tarif réduit 10 euros. Réservation et renseignements auprès d'Isabelle Sartori, donc à l'adresse isabelle.sartori@epinal.fr ou au 03 29 31 04 85, donc je répète, 03 29 31 04 85. On va déjà changer de rubrique de ce billet de sortie, mais avant on va s'écouter un nouveau morceau. Il s'agit de Jolie de Dobe Gnawe. Anembo akajepane na la joli akavali la joli anembo akatetenu la joli akawalo pepe la joli anenjiki nono alula walo chepaka na ma anembo chepale jevu beo mechala

rien. Le cœur dans le plâtre, les yeux dans l'absinthe. Un plan qui part, un plan séquence. On n'aime pas trop quand ça recommence. Mais on danse, tant qu'il est encore temps. On danse, tant qu'il est encore temps. C'était Mel pour son morceau Danse. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo pour bientôt et même tout de suite la conclusion de cette émission. Et oui, qui dit conclusion dit déjà moment de faire la programmation. Et on va commencer par le vendredi soir, l'émission dès 21h Mosaïque avec François, puis de la musique jusqu'à demain matin samedi pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, je disais samedi 10 novembre de 7h à 8h. Puis à 8h30, Les Vosges samedi avec Hélène de chez RCN. À 10h, Musette Partie avec Cyril Renaud. Et 19h-20h, dernière rediffusion du billet de sortie. Pour ceux qui veulent le réécouter en dehors des heures de diffusion, il sera bien entendu disponible en podcast sur notre site internet radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo. On retourne ensuite à la programmation, donc samedi soir, toujours 10 novembre, Rock à la Casbah dès 21h, puis à minuit, donc dimanche matin très très tôt, rediffusion de Jukebox de jeudi. On en arrive d'ailleurs à dimanche, dès 7h, rediffusion de Musette Party avec Cyril Renaud, puis 10h, rediffusion de Salut les 60 avec Gérard, 16h, J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique, 18h, rediffusion des années bonheur de jeudi de Gilou, et enfin, pour clore la soirée, ce sera à 22h, Jazz Time de Radio Déclic avec une bonne playlist de jazz. On se retrouve lundi 18h, 19h comme d'habitude avec La Maison de la Bresse. Et oui, Xavier Battiste est là. Comme je l'avais annoncé, l'émission de Claude Semlet touche à sa fin. Donc il y a une nouvelle programmation à annoncer et c'est ce qu'on va faire lundi. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur pour ce week-end. Je souhaite à tous de passer de très très belles journées et rendez-vous lundi 18h sur le 107. Bonne soirée et bon week-end à tous.